C'est lui qui a commencé. Il m'a dit, quand t'étais gosse, il y a des choses que t'aimais faire, toi. Oh, j'ai dit, moi, ouais, comme tous les gosses, quoi. Faire des conneries, jouer, enfin, des trucs comme ça, quoi. Non, c'est pas ça, quand t'allais à l'école. Oh, j'ai dit, tu sais, moi, aller à l'école, hein. J'y suis allé, pas beaucoup, hein. J'y suis allé, ouais, c'est vrai. Mais j'aimais pas l'école. Ah, t'aimais pas l'école? Je dis, non, j'aimais pas l'école. T'aimais rien à l'école? Oh, je dis, je vais pas dire que j'aimais. Bon, moi, que j'aimais les récréations, c'est des conneries. C'est, d'abord, ça durait pas longtemps, puis c'était dans l'école, de toute façon, j'aimais pas ça. T'aimais vraiment rien à l'école? Bah, je dis, bah, ça a l'air de te surprendre, mais j'aimais vraiment. Ouais, c'est vrai, quoi. Des trucs, là, des rédactions, des calculs, tout ça. Jamais été fort. Alors comme ça, tu t'allais à l'école, et puis tu te faisais chier, et puis alors t'étais toujours le dernier, c'était ça. Oh, je dis c'était ça. Si je cherche vraiment, ouais, j'y pense, là, tu vois, maintenant, je peux te dire que j'aimais quelque chose. Ouais, bah alors, vas-y. Ben, j'aimais, enfin, ça va te sembler con, quoi, tu comprends, ces trucs-là. J'aimais bien dessiner, tu comprends, ça, c'est vrai. Ça, à un moment donné, j'ai aimé bien dessiner. Je dis bien à un moment donné, hein, parce que... Seulement, j'avais quelque chose contre moi, quoi. C'est que... Je pense que je dessinais ou mal ou bien, c'est... Quand j'étais gosse, j'étais vraiment dégueulasse, quoi. Enfin, dégueulasse, j'étais sale, quoi. Tout le temps sale. Le lundi matin, ma mère me filait un tablier. À 8h, il était propre. À 8h05, c'était déjà un tas de merde, quoi. J'avais les mains toujours sales, tous mes cahiers étaient noircis, enfin, ce qu'on dit travailler mal, quoi. Déjà travailler mal, et puis en plus je salopais tout, quoi. Alors il y avait le dessin, quoi. Le dessin, c'était une fois par semaine. Ça, dès le début, je dois dire que j'y prenais un plaisir, quoi. Seulement, je me suis tout de suite fait engueuler, quoi, parce que ils nous foutaient une bouteille, ou bien ils nous foutaient, je sais pas, de... un torchon, ou bien une boîte, puis il fallait la dessiner. Ben moi, qu'est-ce que tu veux? Ce qui devait rester blanc, ben, ça devenait tout de suite dégueulasse, tout noir, quoi. Alors, ce qui était noir, alors on n'en parle pas. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je voyais bien que ça n'allait pas non plus de ce côté-là, quoi. Mais enfin, ça m'aurait plu de continuer. Puis un jour, alors, il nous donnait un devoir, une fois par semaine, qu'on devait ramener, je crois que c'était le mardi suivant, quoi. Un jour, il nous avait donné à dessiner un torchon de cuisine, tu sais. Enfin, tu vois comment c'est, quoi. Pendu à un clou. Pendu à un clou, quoi. Alors, chez moi, j'ai foutu un torchon, quoi, à un clou. Puis j'ai mis ma feuille en dessous, puis mon crayon, puis allez, vas-y, quoi. J'ai fait le torchon, quoi. Seulement, ça a recommencé comme avant, quoi. Le torchon, qu'est-ce que tu veux? Le torchon, il était propre, mais moi, j'ai commencé à le faire de plus en plus sale, quoi. Et puis il y en avait, d'un torchon. Puis au dernier moment, disons que j'étais découragé, quoi. Oh, j'étais pris, tu sais, d'une frénésie, quoi. Je me suis mis à salir mon torchon avec mes doigts, tu sais, comme si on s'était... Je sais pas, c'était un torchon sale, quoi, tu vois. Je me suis mis vraiment à faire tout ça tout sale. Et puis j'ai attendu, quoi, toute la semaine. Oh, je me suis demandé qu'est-ce qu'il va dire, on va bien voir, là. Hein. Puis le mardi est arrivé, puis le pion de dessin, il est venu faire son cours, là. C'était un manchot barbu. Oh, je pouvais pas le blairer, puis alors lui non plus. Hein. Puis alors tous les mômes... D'abord, j'avais pas de copains parce qu'il se foutait toujours de ma gueule, quoi. J'étais toujours en retard, en ci, en ça. Et... Alors lui, il m'appelait Dedeux. Puis les autres, il m'appelait Dedeux de mes couilles. Alors lui, il dit, alors, et notre ami Dedeux, qu'est-ce qu'il nous réserve aujourd'hui? Alors moi, je me lève et puis je viens avec mon cahier, quoi. Puis je lui montre. Puis je lui dis, voilà, monsieur. Alors il regarde. Puis il me dit, mais dis donc, mais c'est dégueulasse. Mais c'est que tu te fous de ma gueule. Alors je dis, ah non, monsieur, ça, je me fous pas de votre gueule. Il me fout une baffe. Et je ramasse mon truc. Puis je le regarde. Ah, puis je dis, bah non, ça, Ça non, alors, hein. Tu me dis quoi, ça non? Mais dis donc, mais c'est de pire en pire, mais je vais te faire foutre à la porte, moi. Je dis, mais monsieur, mais j'ai fait un torchon. Il me dit, oui, mais ton torchon, tu vois pas comment tu l'as fait, encore une fois? Enfin, je dis, comment je l'ai fait? Je dis, monsieur, vous avez pas vu, mais c'est un torchon sale que j'ai dessiné. Il m'a refoutu une autre barre. Alors là, ça a été fini, hein. Je t'ai foutu à pied pendant, je sais pas, 8 jours, 15 jours, je sais pas combien de temps. Puis je voulais plus aller à l'école. Bon, alors, tu vois, si... Enfin, je t'ai répondu, quoi. J'aimais un peu, quoi. Enfin, disons, j'aurais aimé si j'avais reçu une paire de baffes, quoi. Puis s'il m'avait... Enfin, je veux pas dire s'il m'avait compris, quoi. Il y avait peut-être quelque chose à faire, mais enfin, c'est pas... Enfin, puis c'est pas mon problème, quoi. Maintenant, je m'en fous, quoi.